Kennedy. Street Fabulous. Chichichir. Faut que je fasse de l'oseille. De l'oseille. De l'oseille. Un paquet d'oseille, négro. Faut que je fasse de l'oseille. De l'oseille. Un paquet d'oseille, négro. Faut des faux farfman, j'ai une fiche de recherche. J'esquiverai pas le ferme si les flics me serrent. Toujours la violence et la drogue me suivent de près. Faut une somme à 7 chiffres sur mes fiches de paye. J'ai un problème avec la jante féminine peut-être. Qu'il serait temps que j'arrête de faire souffrir la fille que j'aime. Elle me soutient quand je déprime, tu sais. Je déconne, à l'école les profs me disaient d'aller voir un psy, ok. Même si je sais que t'apprécies ce que je fais, ouais. Mais faut que t'arrêtes vite de pomper le cahier de rime refrain. J'ai les coronaises pleines, faut que je me vide vite. Le temps c'est de l'argent autour du poignet. Une Rolex mec, et 1000 euros d'espèces. Quand je traîne avec les potos, une grosse caisse. Genre X5 ou ML, il me faut un flingue. Parce que les jaloux me guettent. Si je me fais canner, que la rue et le rap français me regrettent. J'ai des soucis dans la tête, bloqués en bas de la thèse. Je cherche une solution à mes problèmes. Pendant que les flics enquêtent la rue dans mes maquettes. La nuit j'arrive plus à trouver le sommeil. Faut que je fasse de l'oseille. De l'oseille. De l'oseille. De l'oseille. Un paquet d'oseille, négro. Faut que je fasse de l'oseille. De l'oseille. De l'oseille. Un paquet d'oseille, négro. Faut que les flics arrêtent de casser les couilles. Juste en bas de chez nous, où on finira par faire cracher les douilles. Faut un billet d'avion, je me casse en vacances au soleil. Loin du 9-4, loin de la France, je te promets. Faut que j'arrête de claquer mon oseille. Que j'offre une trop belle villa, ma mère au bled. Faut un putain d'appart ou un partard de bâtard avec un garage pour coffrer Porsche 4x4. Faut un contrat d'artiste à 100 patates, une puce banane. Que je bigote tous mes scars là. Faut que j'envoie de la caillasse pour mes sauces au carplat. J'suis AF. Faut un bon joint de seum plus un massage. Que je pousse à la salle. Trop de mecs qui parlent mal méritent une ragla. Au cas où ça se gâte à part pas. Faut que j'aille à New York. Que je ramène de la sap. Faut que je mette une banane. Il me faut de la maille. J'ai des soucis dans la tête, bloqués en bas de la thèse. Je cherche une solution à mes problèmes. Pendant que les flics enquêtent la rue dans mes maquettes. La nuit j'arrive plus à trouver le sommeil. Faut que je fasse de l'oseille. De l'oseille. De l'oseille. De l'oseille. Un paquet d'oseille, négro. Faut que je fasse de l'oseille. De l'oseille. De l'oseille. Un paquet d'oseille, négro. Faut North Face pour lutter contre l'hiver. Qu'on parle de moi sur MTV, pas dans les faits divers. Pour que la juge me chez là, faut rester discret. Faut que j'arrive à conserver le peu d'amis qui me reste. J'ai 25 printemps et une famille à nourrir, mec. Donc il faut que je reste concentré sur mon business. Tu vois ce que je veux dire, frère? Trop de mythos, tiexons. Ce qu'il me faudrait, c'est un détecteur de mensonges. Faut que je perde dans le son, qu'on change ses foutus rôles. Que je rentre en studio, que je sorte un peu du hall. Que je fasse croquer mes sauces, la rue sur les épaules. Inch'Allah, un jour j'aurai mon cul sur le trône. Tout seul les soucis, je peux pas les surmonter. Il faut que ma famille continue de me supporter. Il faut du temps pour guérir mes plaies. J'écris mes peines, pour ça que la rue récite mes textes. J'ai des soucis dans la tête, bloqués en bas de la thèse. Je cherche une solution à mes problèmes. Pendant que les flics enquêtent la rue dans mes maquettes. La nuit j'arrive plus à trouver le sommeil. Faut que je fasse de l'oseille. De l'oseille. De l'oseille. De l'oseille. Un paquet d'oseille, négro. Faut que je fasse de l'oseille. De l'oseille. De l'oseille. Un paquet d'oseille, négro. J'ai des soucis dans la tête, bloqués en bas de la thèse. Je cherche une solution à mes problèmes. Pendant que les flics enquêtent la rue dans mes maquettes. La nuit j'arrive plus à trouver le sommeil. Faut que je fasse de l'oseille. De l'oseille. De l'oseille. De l'oseille. Un paquet d'oseille, négro. Faut que je fasse de l'oseille. De l'oseille. De l'oseille. Un paquet d'oseille, négro. C'est ça. C'est tout ce qu'il me faut en noir. Faut que je fasse de l'oseille. Pour la famille. Pour mes sauces. Kennedy.